Section 1 de « À la plus belle », ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. « À la plus belle » par Paul Féval Père. Chapitre 1, 2. Chapitre 1, la rance. J'avais un frère aîné qui était un saint ici-bas. Il marchait doux et ferme dans la vie. Dieu lui avait donné d'amères tristesses. Il adorait la volonté de Dieu. Que de fois pourtant je vis sa tête, chauve avant l'âge, s'incliner sous le poids des découragements mystérieux. J'étais enfant lorsqu'il pensait déjà, c'est-à-dire hélas, alors qu'il souffrait. Je m'étonnais de voir la gaieté vive succéder en lui brusquement à de longs silences, où son regard distrait s'était baigné dans le vide. Il riait de si grand cœur, un homme peut-il être triste et gai, heureux et à la fois malheureux? Pauvre frère, ami si cher, la mort l'a pris, et je ne l'ai pas vu à sa dernière heure. Je vins, une nuit d'hiver, à Saint-Malo, la ville lugubre et parcimonieuse, où pas une goutte d'huile n'est dépensée à éclairer le passant qui s'égare. Je vins, cherchant dans les ténèbres la maison de mon frère. Jadis, quand j'arrivais, savais-je si la ville avare et marchande était ou non éclairée? Mon frère était là, qui m'attendait et qui me conduisait au logis. Cette fois, personne. Et je pense que j'étais complice du hasard qui m'égarait dans les rues. Je fuyais d'instinct la maison où il n'était plus. Oh, notre mère en larmes, mes sœurs pâles, et les pauvres enfants habillés de deuil. Dans le salon, quand on me vit, ce fut un grand gémissement. Auguste, notre pauvre ami, notre frère bien-aimé, l'honneur et la joie de la famille, ma mère m'embrassa et me montra le ciel. Sur les bords de la Rance, la rivière enchantée, nous allions tous deux bien souvent. C'était un marcheur intrépide, il aimait la grande route, et je ne le vis jamais si heureux que les matinées de voyage, quand nous tournions le dos à Saint-Malo, ce lourd paquet de maisons marchandes, où manque l'eau douce et l'air libre. La Rance et les grèves du Mont-Saint-Michel, la route de Châteauneuf et la digue de Dole, c'étaient ses amours. Quand il était là, tête nue, les souliers poudreux, la sueur au front, il revivait, sa gaieté revenait toute jeune. Ses pages, inspirées par les lieux qu'il aimait, les belles rives de la Rance, le splendide horizon des grèves. Ces pages, où passeront les impressions qui nous étaient communes, sont à lui plus qu'à moi. C'est pour cela que son nom chéri est tombé malgré moi de ma plume sur la première de ces pages. La rivière de Rance a sa source vers le bourg de Saint-Jacques-en-Terre, dans les côtes du Nord. Au-dessus de Dinan, ce n'est guère qu'un ruisseau. Au-dessous de Dinan, elle s'élargit brusquement. À la plaine de Saint-Suliac, elle devient si grande que la Loire et la Seine passeraient ensemble dans son lit sans trop se coudoyer. Il est vrai de dire que la plaine de Saint-Suliac est déjà plutôt une grève qu'une rivière, car la marée s'y fait sentir comme en rade. À mer haute, c'est un beau lac entouré de collines harmonieuses et dont les vagues viennent baigner les baies blanches du rivage. Du côté de l'île-et-Vilaine, la rive s'encaisse et se festonne, creusant au fleuve des réduits profonds que surplombent les falaises rocheuses. Il n'est pas rare de trouver sous ces hautes murailles calcaires des habitations grises comme la coquille d'une huître qui se collent au roc, derrière l'abri d'une petite jetée en pierre sèche. On ne les aperçoit point des bords de la falaise, mais le feu de tourbe et de bois charrié qui brûle lentement dans l'âtre envoie sa noire fumée et révèle l'existence de ces amphibies humains. Çà et là, un moulin, aménagé pour tourner au flux et retourner au reflux, chante ses trois notes plaintives. Dans le petit parc marneux qui l'entoure, des oies fouillent la fange et laissent le reste aux canards, ces parias de la race palmipède. Au milieu de la rivière, il y a une île verte habitée par les alouettes de mer. Cette île jolie comme une jolie page de Bernardin de Saint-Pierre donne raison à la poésie du XVIIIe siècle. Néanmoins, il y manque les chers peupliers, la grotte et le tombeau d'un sage, ami de l'être suprême, mais ne connaissant pas le bon Dieu. De nos jours, cette belle et sereine rivière est sillonnée de 1000 embarcations. Les gabarres des riverains, sortes de barges à quilles non pontées, mettent leurs voiles brunes au vent dès qu'il y a une corde de bois, 3 douzaines d'œufs et une couple de poulets à la ferme. Les bateaux de plaisance louvoient et jouent. Les barques de pêcheurs traînent le lourd chalut au fond de l'eau. Enfin, par un gai soleil, le paquebot le Dinanais déroule les longs anneaux de sa fumée sombre ou bleue, agite ses deux nageoires dans l'écume et glisse rapide comme une flèche, emportant pleine cargaison d'Anglais ennuyés. Là-bas, à l'arrière, voici Miss Anna, la poétique enfant, qui trempe son 14e biscuit dans son 8e verre de madère. Encore préfère-t-elle le chéri, cette diaphane et frêle créature. Au temps où va se passer notre récit, il n'y avait sur la Rance ni bateaux à vapeur, ni Anglais. Quant à Miss Anna, elle n'était pas encore poitrinaire. Miss Anna n'est poitrinaire que depuis l'époque où John Johnson de Johnson House, son daddy, papa, a cessé de labourer la terre ou de porter la balle pour gagner une douzaine de millions à fabriquer des petits couteaux. John Johnson, Esquire, sa fille Anna, son fils Sir John Johnson, MP, Lady Bridget Johnson, femme de Sir John, et l'honorable Johnny Johnson, leur enfant de 4 ans, tout cela sent le Strand à plein nez. Le Strand moderne, le gaz, la houille, la vapeur, l'apoplexie, le thé panacé, le caoutchouc, le spleen, l'horrible odeur de Londres au XIXe siècle. La Rance est la rivière des Anglais. Depuis Saint-Servan jusqu'à Dinan, vous ne voyez que Blanc Cottage, où Johnson, Esk, Davidson, Esk, Stevenson, Esk, Anderson, Esk, etc., en Grèce, rugissent et dorment auprès de Miss Anna qui maigrit et pâlit. J'ai vu inscrit sur la porte d'un cabaret ce brutal témoignage de la conquête. English spoken, English spoken here. Miss Anna donne des bibles presbytériennes aux petits-enfants. John Johnson, Esk, a appris au postillon de Châteauneuf ces contorsions bizarres de l'écuyer anglais qui semble souffrir de la colique incurable. Lady Margaret Fitful Quankry, du château de Screw, auprès de Clark Manan, trouvant le nom de Châteauneuf trop difficile à prononcer, l'appelle Chenouniou et sourit comme savent sourire les Anglaises qui avaient toutes leurs dents lors de la jeunesse du dieu Wellington. La Rance est une rivière perdue. En 1469, la Rance était une rivière bretonne, de la source à l'embouchure. Elle était aussi belle qu'aujourd'hui, avec les grandes forêts de ses coteaux, les manoirs sombres, demi-cachés derrière les chênes, et les flottilles qui glissaient au reflux pour approvisionner le marché de Saint-Malo. Le manoir du Rose était situé à l'extrême sommet de la montagne qui suit immédiatement Châteauneuf, dans la petite chaîne formant comme l'arête des côtes bretonnes. Cette colline est plus haute que celle de Châteauneuf. Sa croupe méridionale descend à la Rance. Du côté du nord-est, son autre pente ondule au loin et va rejoindre le marais de Dol au-dessus de la mare Saint-Coulement. Au XVe siècle, depuis le sommet de la montagne jusqu'au pays plat, c'était comme une forêt, tant les arbres de haute venue abondaient alentour. Le manoir s'élevait au centre d'une esplanade découverte, terrain de lande, formant une pelouse maigre et rase comme un tapis. Le manoir était une grande maison de structure irrégulière, basse d'étage avec des toits énormes. Le corps de logis se flanquait de deux ailes inégales, dont l'angle rentrant était armé de deux tourillons symétriques, placés comme des gonds à l'articulation d'une porte. Trois autres petites tours, une à droite, deux à gauche, terminaient la saillie des ailes. Cette disposition pittoresque et en quelque sorte fanfaronne exagérait de loin l'importance du manoir du Rose et lui donnait une physionomie de place forte. Mais, en réalité, à part les murs de la cour et les meurtrières de parade percées au flanc des tourillons, il n'y avait aucun moyen de défense. L'esplanade presque circulaire était fermée par une haie de houx taillée qui valait trois fois la meilleure des grilles. Elle s'étendait surtout vers le nord, où son plan fléchissait en une sorte de ravin pierreux et nu. De ce côté, au-delà de houx robustes, qui formaient la haie centenaire, c'était un pêle-mêle d'arbres de toutes tailles et de toutes essences, venus là comme le hasard les avait semés. Le pin agitait ses branches poilues au vent vif de la rivière, entre les chênes tordus et les magnifiques châtaigniers. Le hêtre arrondissait ses attaches fermes, dont les contours réveillent l'idée de la beauté humaine, parmi les troncs flexibles des frênes. L'écorce blanche des bouleaux tranchait çà et là dans l'ombre. Le tremble frissonnait comme un vieillard frileux dont les cheveux grisonnent. Le charme au feuillage opulent cachait ses branches cagneuses sous sa verdure et jetait un brillant manteau de feuillet sous ses pousses difformes. Tout cela était riche, vigoureux, prodigue. En tournant vers l'est, on trouvait des guérets qui descendaient du vallon du Château-Neuf. Au sud, une autre forêt, coupée de champs et de prairies, étageait ses groupes d'arbres qui se détachaient vivement et semblaient bondir sur la pente. À l'ouest, enfin, s'étendait la lande montueuse où passe maintenant la route de Saint-Malo. La vue était libre aux quatre aires de vent, rien ne la bornait, sinon la ligne lointaine et parfaitement circulaire de l'horizon, ce qui est rare en Bretagne, où les aspects tendent partout à se concentrer. On voyait le cours de la Rance avec ses îles riantes et la dentelle capricieuse de ses rives. On voyait Dinan, la ville charmante, et Château-Neuf, le site qui n'a pas son pareil à 10 lieues à la ronde. Saint-Jouan-des-Guérets montrait à l'opposite de sa flèche lourde. Du côté du Marais, on découvrait Saint-Méloir-des-Ondes, l'île-mère, Dole, Plaine-Fougère, 20 autres bourgs et villages, le profil de Cancale, et à perte de vue, derrière les vapeurs légères, le fantôme voilé du mont Saint-Michel. En cette année 1469, François II régnait en Bretagne. Louis XI gouvernait la France, Édouard IV tenait le trône d'Angleterre, et Charles Téméraire avait succédé depuis 2 ans à son père Philippe le duc de Bourgogne. Il y avait 8 ans que Louis XI avait brisé la ligue du bien public. Louis XI était sorti sain et sauf du château de Péronne, où la lourde main de Bourguignon avait pesé un instant sur son épaule. Louis XI avait réduit à l'obéissance le duc de Berry, le comte de Charolais et le duc de Bourbon. Dunois, vieillard, cherchait un refuge à la cour de Bretagne. Édouard IV, payé, restait en paix. La Castille et l'Aragon envoyaient à Paris des gages d'alliance. L'Allemagne, occupée à ses discordes intestines, restait neutre. Louis XI respirait. Son repos n'était pas un sommeil. Louis XI, en reprenant haleine, taillait de la besogne à ses voisins. Il regardait à l'est de la Bourgogne, à l'ouest de la Bretagne, deux nobles contrées, et il se disait « Tout cela est à moi, parce que tout cela est la France ». Le duc de Bourgogne était un prince de méchante humeur qui rendait 3 coups de massue pour 1 coup de Gaule. Louis XI le laissa de côté jusqu'à voir. François de Bretagne, au contraire, avait un tempérament pacifique. Louis XI se tourna un matin vers le mont Saint-Michel, cette abbaye forteresse qui domine la côte de Bretagne. Il se souvint à propos d'une grande dévotion qu'il gardait depuis son enfance à l'archange vainqueur du dragon et d'un vœu qu'il avait pu faire autrefois. Il dit à Maître Ledin, son barbier, au château du Plessis où il faisait sa résidence « Je partirai demain pour le pays normand. La renommée affirme qu'on voit chaque année 100 000 pèlerins agenouillés devant l'image de Saint-Michel-Archange. Le roi de France en veut grossir le nombre. » Le roi de France voulait surtout regarder de plus près la Bretagne. Le roi de France avait aussi l'idée de placer sous l'invocation de Saint-Michel son nouvel ordre de chevalerie, une machine de guerre qu'il avait inventée pour serrer le mort aux vassaux trop fougueux. Laissons le roi Louis XI quitter les bords enchantés de la Loire et chevaucher le long des guérets normands. Allons l'attendre en Bretagne, en ce bon manoir du Rose, qui avait une si belle vue et qui faisait face au mont Saint-Michel. C'était au mois d'août. Le cadran solaire, aux lignes presque effacées, qui présentait son triangle pointu au midi du manoir, marquait 10 heures. Au beau milieu de l'esplanade se dressait une quintaine, ou mannequin de bois, tournant sur un pivot. Cette quintaine figurait grossièrement un Anglais qui tenait à la main un fort bâton de cormier. Le bois du mannequin était lourd et massif. Le pivot, fraîchement huilé, jouait le mieux du monde, en sorte que le moindre effort faisait tourner la quintaine qui lançait à l'aveugle de beaucoup de bâtons. 2 cavaliers étaient là qui s'escrimaient contre elle. Un soldat qui avait atteint l'âge viril et un adolescent dont la lèvre s'ombrageait à peine de ce duvet follet précurseur de la moustache. L'adolescent était gracieux de visage et de corps, sa taille souple et un peu frêle ondulait au bond du généreux cheval de guerre qu'il montait. Il portait déjà l'armure comme il faut. Des bords de son casque s'échappait une abondante chevelure brune à reflets châtains. Ses grands yeux bleus pétillaient d'audace et de gaieté. L'homme d'armes, qui semblait diriger ses exercices, était remarquablement beau. Il paraissait avoir 30 et quelques années. Son teint était brun, ses cheveux blonds, presque aussi épais que ceux de l'enfant, se frisaient en boucles plus courtes. une moustache blonde aussi et fine comme de la soie, rabattait ses deux longues mèches en passant par-dessus la mentonnière du casque. Quand l'or efféminé de ses molles chevelures encadre un visage mâle bruni par le soleil des batailles, c'est un effet imprévu, un contraste étrange. Cela produit une beauté riche et fière qui fait rêver au récit chevaleresque. Grave et un peu triste qu'elle était, la figure de l'homme d'armes exprimait une franchise naïve, une bonté sans bornes et cette simplicité loyale qui accompagne, bien plutôt qu'elle n'exclut, la véritable intelligence. Il était plus grand que l'adolescent. Sous l'armure, tous ses mouvements avaient une si merveilleuse aisance que le fer de ses brassards semblait élastique et doux comme la moelleuse étoffe du vêtement des châtelaines. Il s'asseyait d'aplomb sur son robuste cheval, trouvant la grâce sans la chercher, et offrant à son insu peut-être le plus admirable type de ces superbes combattants que le canon naissant et déjà vainqueur allait réduire à l'impuissance. Les exercices de l'adolescent et de l'homme d'armes avaient deux spectateurs. Quatre spectateurs, dirions-nous, s'il est permis d'appliquer ce substantif à de nobles animaux comme Ferragus et Dame Loïse, lévrier d'Horace. Ferragus et Dame Loïse gambadaient sur le tertre. Le lévrier était fauve avec une croix blanche entre les deux oreilles. La levrette était noire, sans tache. Elle avait un père illustre, Maître Loïs, lévrier noir du pays de Saint-Brieuc, qui avait fait autrefois l'admiration de la cour de Bretagne. Les deux autres spectateurs, ou mieux spectatrices, n'étaient point sur l'esplanade. À la façade du château qui regardait cette partie du tertre et que le soleil ne frappait point encore, on voyait deux fenêtres ouvertes. À chacune de ces fenêtres, une femme se tenait. La posture d'une femme n'est jamais un détail indifférent. C'est en général quelque chose d'éloquent, à ce point que 10 pages d'explication n'en pourraient dire si long qu'un simple croquis. La première et la plus âgée de ces femmes était franchement accoudée sur le petit balcon de fer qui défendait la croisée principale. Celle-là n'avait rien à cacher. Mais l'autre femme, femme tout au plus, enfant plutôt, et jolie, se reculait dans l'ombre de son embrasure et donnait toute son attention à une belle broderie de lianes à fil d'or qu'elle avait sur le métier. La dame du balcon était jeune encore et charmante, un visage doux, fier et mélancolique, mais les cheveux abondants qui tombaient en bandeaux, remis à la berthe, le long de ses joues un peu amaigries, étaient tout blancs. On disait que les beaux cheveux de Madame Reine avaient ainsi blanchi en une seule nuit, la nuit où elle reçut la nouvelle de la mort de Messire Aubry de Kergariou, son chevalier. La jeune fille à la broderie avait au contraire des cheveux de jais sur un front blanc comme le col des cygnes. Madame Reine contemplait l'adolescent de tous ses yeux et souriait de ce sourire à la fois triste et heureux des mères veuves. Jeannine, la gentille brunette, s'occupait bien sagement de sa broderie, et c'était d'un œil sournois et malin qu'elle regardait le bel adolescent chevauchant sur la pelouse. Chapitre 2. La quintaine. L'homme d'armes et son élève avaient déjà fait nombre de passes, car les cheveux de l'adolescent étaient baignés de sueur. « Allons, messire Aubry, dit l'homme d'armes, voici Madame Reine qui vous regarde. N'avez-vous point de honte? Vous n'avez touché l'anglais que 2 fois. Encore l'anglais vous a-t-il appliqué 2 bons coups de gaule. » Messire Aubry rougit un peu. Il envoya de la main un baiser tendre et respectueux à sa mère, qui lui souriait et qui était trop loin pour entendre ce que l'homme d'armes disait à voix basse. Jeannine, la brunette, devint toute rose. Je ne sais comment le baiser respectueux et tendre s'était divisé en chemin, mais Jeannine, la brunette, baissa vivement sa jolie tête sur sa broderie, comme si elle en eût reçu la moitié. Mon ami Jeannin répliqua Aubry d'un ton presque aussi obéissant que s'il eût parlé à son père. « Quand vous aviez 18 ans, vous valiez déjà mieux que moi. J'en ferai la gageure. Mais vous ne portiez pas la lance comme aujourd'hui. J'ai idée d'ailleurs que si ce coquin était un Anglais de chair et d'os, je serais moins maladroit de beaucoup. » Il revenait au pas, côte à côte, pour prendre du champ. Jeannin, l'homme d'armes, se prit à rire. « Quand j'avais 18 ans, messire Aubry, dit-il, je ne portais point de lance. J'avais un long bâton avec une corne de bœuf au bout pour pêcher dans les sables du Mont-Saint-Michel. Au lieu de cuirasse, j'avais une peau de mouton pelée et un petit bissac. On disait que j'étais plus poltron que les poules, et je ne devins brave que le jour où Simonette, ma femme, qui est une sainte au paradis maintenant, me dit « Jeannin, je t'aimerai si tu deviens un homme de cœur ». À la dérobée, Messire Aubry jeta un regard vers la fenêtre où était la brodeuse. « Donc, ajouta Jeannin sérieusement, ne vous réglez pas sur moi qui suis un vassal, mon jeune sire. Vous avez d'autres exemples à suivre. À 18 ans, le chevalier Aubry de Kergariou, votre cher et digne père, était déjà la meilleure lance de Porouette. Voilà ce qu'il ne faut point oublier. » La figure du jeune homme se rembrunit. Il fit volte-face brusquement au bout de la carrière et mit sa lance en arrêt. « Gronde-moi, Jeannin, gronde-moi, murmura-t-il. Je suis un homme par la taille et j'ai des bras d'enfant. Il faudra bien pourtant que mon père soit vengé. » Ses talons s'écartèrent pour piquer. Jeannin l'arrêta. « Messire, dit-il, vous avez le cœur et le bras d'un gentilhomme, mais Dieu vous a donné un pauvre instituteur. « Qui, toi, Jeannin ? » s'écria Aubry en le regardant avec ses yeux brillants. « Un pauvre instituteur ? Sur mon Dieu, je t'ai vu à la besogne, ami, et je ne connais pas un chevalier, tu m'entends bien, un chevalier que je voulusse prendre pour maître à ta place. » Il parlait avec chaleur. « Ta main, mon ami Jeannin, reprit-il, gronde-moi, va, gronde-moi, mais ne me dis plus que j'ai en toi un pauvre instituteur, car je me fâcherai. » L'homme d'armes serra avec émotion la main qu'on lui tendait. Aux fenêtres, Madame Reine et la fillette aux cheveux noirs regardaient curieusement cette scène. Madame Reine agita son mouchoir. « Ferme sur les étriers, commanda Jeannin. Tenez la lance lâche jusqu'à ce qu'elle ait pris l'équilibre, et serrez au moment de l'attaque. Faites bien attention que le cou baisse toujours et tourne en dehors par le mouvement de la hanche. Visez au col pour la poitrine et au sein gauche pour le creux de l'estomac. Allez, messire !» Aubry piqua des deux. Pendant que son cheval prenait le galop, Madame Reine souriait et l'admirait, car il avait en vérité belle mine. Jeannin avait quitté sa broderie et se haussait un peu pour mieux voir. Aubry avait la lance couchée, la tête inclinée sur la crinière de son cheval, la main gauche à la bride, les jambes roidies sur les étriers. « Allez, allez !» criait Jeannin qui suivait au trot. « Préparez-vous à volter, car vous allez manquer votre coup !» « Et pourquoi manquerait-il son coup, le cher enfant ?» se disait Madame Reine. « Jeannin est trop sévère. »« L'Anglais va lui donner un maître coup de gaule, » pensait la brunette. « Pauvre Messire Aubry !» La quintaine renversait légèrement son pivot en arrière afin de rendre possible ce beau coup de lance qui consistait à enlever le mannequin à la course et à le jeter hors des gonds comme un chevalier désarçonné. Cette inclinaison faisait que les coups de bâton portaient généralement à la tête du coureur. Le casque, en ces occasions, n'était pas inutile. Sur la peinture sombre du mannequin, une ligne blanche était tracée qui partait du front, suivait le nez et descendait jusqu'au bas du torse, en coupant partout le centre de gravité. Si la lance du coureur touchait cette ligne blanche, le mannequin restait immobile. Mais si la lance portait à droite ou à gauche de la ligne, le mannequin virait tout naturellement avec d'autant plus de force que le coup s'écartait davantage de la ligne et pesait sur un levier plus long. Au dernier commandement de Jeannin, Aubry retint la bride d'instinct et trop tôt. Son cheval obéit aux morts et dévia. La lance d'Aubry vint frapper la quintaine en dedans, la quintaine vira et la gaule sonna sur l'acier de son casque. Aubry chancela tout étourdi, tant le coup était bien appliqué. « Es-tu blessé ? » cria Madame Reine, qui trembla. La brunette reprit sa broderie en haussant les épaules. Aubry la vit, et ce fut un grand crève-cœur, car il devint tout pâle. « Non, non, ma mère, répondit-il, je ne suis pas blessé. Ce n'est pas le coup de bâton de l'Anglais qui m'a fait le plus mal. « Qu'est-ce donc, enfant ? » dit Madame Reine. Aubry ne répondit pas cette fois. Son regard rencontra l'œil noir de Jeannin qui se levait sur lui, furtif et repentant. « Allons, messire !» s'écria l'homme d'armes. « Prenez du champ et fournissez une autre course !» Aubry était piqué vivement. Il lui fallait sa revanche. Certes, son grand désir de toucher juste lui venait en partie de la présence de sa mère. Mais une bonne moitié de ce désir, soyons francs, les trois quarts, et peut-être un peu plus, se rapportait à la gentille brodeuse. Une moqueuse, pourtant, qui avait haussé les épaules sans pitié. Une sournoise, qui se cachait pour rire derrière l'épais rideau de laine drapé au coin de la croisée. Oh, que Messire Aubry la détestait !« Jeannin, mon ami, dit Madame Reine à sa fenêtre, songez, je vous prie, que mon fils relève des fièvres, et ne le fatiguez pas. « Je suis à vos ordres, noble dame, répliqua l'homme d'armes en saluant. Quand vous me direz assez, nous finirons. Eh, Jeannin, mon ami, s'écria la châtelaine avec un mouvement d'impatience, nous savons bien que vous ne donnez point ces leçons à messire Aubry pour votre plaisir. Jeannin la regarda étonné. Vous vous trompez, noble dame, dit-il avec respect. C'est bien pour mon plaisir que je suis à cheval auprès du fils de mon maître. Il salua une seconde fois et rejoignit l'adolescent qui était déjà loin. Madame Reine était toute pensive. Reine de Morvert, veuve de messire Aubry de Kergariou, chevalier, seigneur du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves, n'était point une tête légère tournant à tout vent et ne pouvant donner au petit mystère de sa conduite d'autre explication que sa fantaisie. C'était un excellent et digne cœur. Elle avait été le modèle des épouses, elle était la meilleure des mères. 18 ans auparavant, au temps où le duc François de Bretagne expiait par la mort le meurtre de son frère Gilles, Reine de Morvert avait au front tout ce que la poésie et la beauté peuvent mettre de couronne. La jeunesse de Reine avait été un roman hardi et pieux. Son père et son fiancé, proscrits tous deux, lui avaient dû tous deux leur salut. Elle allait dans ce temps aimante et bien-aimée, du cachot où languissait son fiancé, au rocher désert où le vieux chevalier Hugh de Morvert avait faim. Les bonnes gens du mont, la voyant seule contre tous, braver la mer, les sables mouvants des tangues, et les hommes d'armes qui faisaient la chasse humaine avec des lévriers cruels, les bonnes gens disaient qu'elle glissait la nuit sur un rayon de lune, comme la fée des grèves dont il lui avait donné le nom. Reine avait alors 16 ans, elle était plus vaillante encore que jolie. Plus tard, elle devint dame de Kergariou, et quel charme nouveau lui apporta le sourire des jeunes mères. Maintenant, le fils de Reine porte la lance. Reine est jeune encore, elle est toujours jolie, et cette neige légère qui couronne son front sans rides adoucit l'azur foncé de ses yeux. Est-ce bien cependant la reine d'autrefois? On dit que dans les pays du soleil, certains arbres portent en même temps leurs fleurs naissantes et leurs fruits mûrs, mais rien de pareil ne se voit en notre Bretagne. On y est fleur ou fruit. Quand Reine eut suivi un instant de l'œil la retraite de Jeannin, le beau et vaillant soldat, son regard se tourna rapide, presque méchant, vers la partie de la façade où s'ouvrait cette seconde croisée, la croisée de la brodeuse aux yeux noirs. On ne la voyait nullement, la gentille Jeannine, elle était bien cachée pour Madame Reine, mais Madame Reine la devinait à travers l'épaisse saillie de pierre, et les sourcils délicats de Madame Reine se fronçaient malgré elle, parce que le fils unique du chevalier Aubry ne pouvait pas épouser une vassale. Voilà pourquoi Madame Reine avait parfois des mouvements d'impatience lorsqu'elle parlait à ce bon, à ce loyal, à ce brave Jeannin. Jeannin, qui s'appelait alors le petit Jeannin, pêcheur de coques dans les sables, avait été le bras droit de Reine au temps où elle était la fée des grèves. Jeannin avait aidé messire Aubry de Kergariou, le père, à vivre et à mourir. Depuis lors, Jeannin veillait sur l'orphelin comme une seconde providence. Madame Reine savait tout cela. Elle n'était point ingrate. Elle aimait Jeannin. Elle aimait aussi Jeannine, la gentille fillette. Mais elle était mère, et vous ne trouverez point de femme qui garde ce facile cœur de 16 ans après sa 30e année. Saurait-on cependant assez excuser et chérir ces femmes esclaves de leur admirable devoir, qui sont mères jusqu'au bout des ongles et s'isolent dans l'égoïsme du sentiment maternel? Nous les suivons dans la vie d'un œil attendri. Elles ont en effet tout oublié, excepté la grande passion de la famille. Elles sont mortes au moi humain pour s'incarner en autrui. Elles veillent, exagérant le zèle, prenant tout caillou pour une montagne, toute fondrière pour un abîme, au devant des pas de l'enfant trop aimé. Ne sont-elles pas, ces femmes, ces mères, l'expression la plus touchante de la providence de Dieu? Seulement la pauvre Jeannine n'en pouvait mais. Il faut être juste envers chacun. Avoir 16 ans n'est pas non plus un crime. Ces mères veuves, à qui la mort a imposé la plus sérieuse de toutes les responsabilités, dépassent le but parfois. Jeannine n'était pas cause d'être belle. Ce que Madame Reine avait deviné par la puissance de sa seconde vue maternelle, Jeannine n'en savait trop rien, mais Sir Aubry ne s'en doutait guère non plus. Et Jeannin, ce bon Jeannin, le plus innocent de tous et le plus malmené par Madame Reine, Jeannin fut tombé de son haut si on lui en avait dit seulement le premier mot. Le vrai, c'est que les mères sont sorcières. Cette fois, messire Aubry, notre jeune gentilhomme, se disait en prenant du champ « Scélérat d'anglais, tu vas voir si je te manque !» Le sourire moqueur de Jeannine, chose terrible, et l'effroi humiliant de Madame Reine. Le traitait-on assez comme un enfant ? On avait peur pour lui du bâton du mannequin. « C'est la main gauche qui a fait des siennes, messire Aubry, » dit Jeannin avec douceur. « Il ne faut jamais serrer la bride au dernier moment. Si Madame Berthe de Morvert, votre noble cousine, vient au manoir, comme on le dit, elle voudra voir votre adresse. » « Ah, par exemple !» s'écria Aubry. « Je m'embarrasse bien de mademoiselle Berthe de Morvert. » Jeannin sourit malignement. « C'était donc le soleil qui vous faisait rougir l'autre matin quand nous passions sous ces balcons, en la ville de Dole, messire Aubry ?»« Bon, Jeannin, ce n'était pas le soleil, non. Mais vis-à-vis de l'hôtel habité par messire Morin de Morvert et sa fille Berthe, il y avait une boutique de mercière tenue par dame Fanchon le Priol. » Dame Fanchon le Priol était la grand-mère de Jeannine, qui allait la voir de temps en temps. Ce jour-là, Jeannine avait été voir Dame Fanchon le Priol, et Aubry avait aperçu la gentille brunette à travers les carreaux de la boutique. Madame Reine savait bien, elle, que si son fils Aubry pâlissait ou rougissait parfois à l'improviste, Berthe de Morvert, ni le soleil, n'avait rien à faire là-dedans. Elle eût donné beaucoup pour qu'il n'en fût point ainsi. « J'ai fait bien des lieues à pied et à cheval dans notre Bretagne, » reprit Jeannin, « mais je n'ai vu nulle part une demoiselle qui soit plus noble et plus avenante que Berthe de Morvert. À votre âge, il est permis de chérir sa dame. Ne vous défendez point, personne ne songe à vous blâmer. » Aubry fit présent d'un double coup d'éperon à son beau cheval. Le cheval piqué à l'improviste bondit sur place, puis se lança. Ferragus et dame Louise, éveillés tout à coup par ce mouvement, au milieu de leurs ébats paresseux, détalèrent à la suite du cheval. On eût dit, à voir cette course soudainement précipitée, que le jeu s'était changé en furieuse bataille. Par le fait, le choc fut rude, mais la victoire demeura encore au scélérat d'anglais. Messire Aubry, qui sans doute était un peu distrait par la réflexion inopportune du bon Jeannin, donna de sa lance à tour de bras dans l'épaule gauche de la quintaine, qui vira et lui rendit par derrière un coup de bâton généreux. Si généreux qu'Aubry passa par-dessus la tête de son cheval et mordit la poussière. Madame Reine joignit les mains, sa voix s'arrêta dans son gosier, Jeannine laissa tomber sa broderie et poussa un cri de terreur. Derrière la haie de houx, un éclat de rire aigre se fit entendre, et une voix qui n'avait rien d'humain lança joyeusement ces mots « Voilà messire Aubry qui s'est cassé le cou. Ah ah ah !» En même temps, parmi le vert sombre du feuillage, une figure étrange se montra presque au ras de terre. Fin de la section 1.